Bwana apate kusifiwe. Que le Seigneur soit loué. Paka vile ritangaziwa mujuma, comme cela a été annoncé le dimanche. Nduku Theo, le frère Theo, ni mutumishi wa Mungu wa makutano yetu ya Kukin Mukari Grace. Il est le serviteur de Dieu à Kin Kari Kari Grace. Dans notre assemblée de Kari Grace. Kwa pasteur Kapanga. Chez pasteur Kapanga. Niendja tanza mahubiri leo. Il va commencer la prédication aujourd'hui. Eti muko mufuraya kumsalimiana kumpokea dans la joie de recevoir et de les saluer dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Il faut être dans la joie. Inafai mkwe katika fura. Quand on est dans la maison de Dieu. Wakati tuko mnyumba ya Mungu. Nous devons toujours être dans la joie. Tunapasha kuya paka na fura. Nous devons s'abandonner. Tunapasha kujachilia. Parce que ici. Sababu hapa. C'est le lieu de Dieu lui-même. Ni fazi ya Mungu ye mwenyewe. Il voit le cœur. Eko naona mamioyo. Il voit tout le cœur qui est disposé. Anaona mamioyo yote yenye kuwa tayari. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Soyez disposés pour le recevoir. Muwe tayari njoo kumpokea. Il n'y a pas moyen de se présenter parce qu'on m'a déjà présenté. Alors levons-nous pour prier, pour lire la parole du Seigneur. Gloire, gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es bon pour nous. Et tu savais qu'un jour, moi, je serai dans cette église pour partager ta parole avec tes enfants. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur qui a quitté la maison pour venir écouter la parole. Et soutiens-le. Parce que nous ne sommes pas dignes. Notre dignité vient de toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis le pasteur de cette église qui a mis la confiance dans son cœur pour qu'il puisse m'appeler que je viens de partager la parole de Dieu avec tes enfants, Seigneur. Bénis la parole que nous venons de lire du début jusqu'à la fin. Sois avec nous et terminez avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Hébreux chapitre 10. Wa Ibrania sura ya 10. Verset 19. Musara 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Uko nasoma mujina bwana Yesu Kristo. Ainsi donc, ivi basi, frère, banduku, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, vile tu kupitia namna ya damu ya bwana Yesu Kristo, une libre entrée dans la sanctuaire, uhuru ya kuingia mwekalu takatifu, par la route nouvelle, kupitia ile njia mupya, et vivante, na yenye kuwa hai, a inauguré pour nous, ile alitufungulia cheye, au travers du voile, kupitia ile pazia, c'est-à-dire de sa chair, ni kusema kupitia mwili yake, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, na Dieu, établis sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une opie. Retenons fermement la profession de votre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume des uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes dans la joie. Bien-aimés frères et sœurs, je ne saurais pas, mais presque toutes les églises et tous les saints qui travaillent, qui m'ont appelé, il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Même notre église de Carigresse, il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Le frère André Katengo, il vous a salué aussi au nom de Jésus-Christ. Je remercie le pasteur pour cet amour. Vraiment pour cet amour. Et que le Seigneur le bénisse beaucoup pour ma présence dans ces lieux avec vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le temps n'est plus correct. Quand vous regardez le monde, tu vas voir que nous allons tout s'est corrompu. Tout c'est le diable qui a retenu le monde pour que la vie ne soit pas. Mais toi, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu regardes le monde, ça doit vous interpeller. Par quelle question dans ta vie, que où irons-nous maintenant? Alléluia. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions parler sur la préparation. Le but que tu quittes ta maison, le but que vous avez construit cette église, ce n'était pas pour rien, mais c'est pour la préparation. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ici, c'est pour se préparer. Personne ne peut jamais être distrait. Si tu es distrait, mon frère, c'est à vous, regarde. Tu seras surpris. Alléluia. Amen. Tu seras surpris. Le monde nous montre que nous sommes à la fin. Ce monde que vous voyez, ça nous montre que nous sommes à la fin. Même la politique de ce monde, ça nous montre toujours nous sommes à la fin. La vie des hommes de ce monde, ça nous montre toujours nous sommes à la fin. Où irons-nous maintenant? Bien aimé, c'est pour cela, lorsque vous êtes ici, tu dois se préparer. Et comment on se prépare? Écoutez, bien aimé. Ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a inauguré pour nous au travers du voie, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu. Écoutez, mon frère, dès que vous êtes là, tu as reçu la vie gratuitement. Tu n'as pas fait un effort. Tu as reçu la vie qu'il vous a épargné. Au lieu de rester dans le monde, Dieu lui-même, il a trouvé bon de vous épargner dans des choses du monde afin que vous entrez en lui. Et c'est un lien de refuge. C'est dans le corps de Jésus-Christ. Et celui qui est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous sommes dans les choses nouvelles. Ce n'est pas ton formation. Tu ne deviens pas chrétien parce que tu as mérité. Est-ce que vous m'écoutez? Personne n'est devenu chrétien parce qu'il a fait un effort. Mais c'est la grâce de Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la grâce de Dieu lui-même. Si vous êtes venu ici, c'est la grâce de Dieu lui-même. Si vous chantez même avec joie, ce n'est pas ton effort. C'est la grâce de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Si vous connaissez même de prier, ce n'est pas ton effort, mais c'est la grâce de Dieu lui-même. Il ne faut pas se glorifier. Amen, hein? Amen. Amen. Amen. Dieu a fait tout pour nous. Le péché, Zambi, il a pardonné le péché. Il nous a racheté du péché. Le péché que le monde est en train de faire. Alléluia. Amen. La vie que le monde est en train de manifester. Nous ne sommes pas là. Dieu nous a racheté à cela. Suivez-moi bien. Dieu Tout-Puissant, il nous a rachetés de tout ce que nous étions, même nos coutumes, même nos liens de la famille. Dieu nous a rachetés et il nous a fait des bons citoyens, des bons citoyennes, pour que nous soyons les héritiers de sa promesse. Alléluia. Amen. C'est pour cela, écoutez une chose que l'apôtre nous déclare. Parce que tout Dieu a fait pour nous. La vie, Buzima, il vous a donné. Est-ce que vous comprenez cela? Le pardon, Usame, il vous a donné. Usame. Les promesses, Mamalako, il vous a donné. Mamalako. Mais il y a une chose que lui réclame. Alléluia. Arma. Lisons cela. Qu'est-ce qu'il réclame? L'apôtre dit: approchons-nous avec un cœur sincère. Alléluia. Amen. À celui qui t'a donné la vie, à celui qui t'a pardonné, à celui qui t'a donné la promesse, approchez-vous avec un cœur sincère. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la sincérité n'est plus dans la vie des enfants de Dieu. N'est plus dans les églises. Nous venons dans l'église avec des pensées dans nos cœurs, avec l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Il a fait son travail, mais il déclare seulement que ton cœur soit sincère devant lui. Alléluia. Amen. Soyez sincères. Bien-aimé, un chrétien n'est pas hypocrite. Un chrétien n'est pas hypocrite. Un chrétien, quand tu le vois, sa vie est comme ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas je te vois dans une autre figure. Quand tu me donnes le dos, tu as une autre voix. Non, mon frère. Non, ma soeur. Évitons l'hypocrisie. Même dans ta maison. Même dans ta maison, l'hypocrisie, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça ce qu'il tue aujourd'hui, les églises et les enfants de Dieu. Ils ne sont pas ses sœurs. Quand tu t'approches à Dieu, soyons sincères. Dieu a besoin de la sincérité. Notre sincérité, c'est ça ce qui nous fait des chrétiens. Alléluia. Amen. Parce que ce que la bouche parle, c'est ça ce qui vient de l'abondance du cœur. Quand on te voit, on doit comprendre que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Nous voulons la sincérité, frère. Aujourd'hui, Léo, les gens n'aiment pas la sincérité. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos pires. Un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il doit avoir une bonne conscience. Son cœur doit être purifié. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui nous a donné la promesse, il est fidèle. Croyez qu'il finira à accomplir tout ce qu'il avait promis pour nous. L'enlèvement, c'est pour nous. Est-ce que vous croyez cela? La guérison, c'est pour nous. Tout ce que nous sommes, c'est ce que lui, il est. Approchez-nous avec un cœur sincère. Pourquoi aujourd'hui nos églises deviennent trop froides? Pourquoi? Parce que nous voulons les servir avec un autre cœur. Le cœur n'est pas purifié. Trop de raisonnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien quitte sa maison. Il vient dans l'église. C'est comme il va dans les bals. C'est comme il va dans les musiques. Non. Bien aimé. À l'église. C'est là où à la rencontre avec Dieu. Il faut être consacré. Il faut être disponible. Ne se laissez pas. Alléluia. Amen. Un chrétien. Christu, même si tu travaillais avant que tu arrives à l'église, aimé d'avoir même 15 minutes de réflexion avec Dieu. Ya, na Mungu. Alléluia. Amen. De consacrer avec Dieu. Ya, kwa Mungu. Trop de distractions. Mais Jésus revient. Jésus revient, mon frère, ma soeur. Pourquoi notre distraction? Ça veut arrêter Dieu. Dieu n'est pas dans ton programme. Toi, tu ne peux pas arrêter Dieu. Alléluia. Amen. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Les voix de Dieu sont dans la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Réfléchissons bien. Pour tout ce que nous faisons. Réfléchissons. Tufikili. Aujourd'hui, Léo, beaucoup de gens batubami ont abandonné même l'amour. Banisha kuacha tama pendo yenyewe. Ce n'était pas ça auparavant. Pourquoi nous abandonnons l'amour? Il faut voir. Nous avons un seul cœur. Ou bien nous avons deux cœurs. C'est-à-dire les choses de Dieu, ça devient maintenant comme quelque chose qui est inutile. Pourquoi tout cela? Dieu devient derrière et tous nos problèmes deviennent devant. Dieu ne peut pas agir. Dieu ne nous comprend même pas. Et nous sommes loin de Dieu. C'est pour cela la Bible déclare un chrétien, son cœur doit être purifié. Doit être purifié. Il doit lever de mauvaises consciences. Ton corps doit être lavé par l'eau pure de la parole. C'est ça ce que vous devez être. Alléluia. Bien aimé. Jésus. Yes. Que toi tu pries. Il était qui? C'est un homme. Alléluia. Amen. Et il était un homme. Et il est venu sur la terre. Pour faire quoi? Pour faire la volonté de son Père. Et si nous nous sommes des descendants de Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accomplir la volonté de la parole. Alléluia. Amen. Lisons. Tout sommes. Hébreu. Hébrania. Frère. Banduku. Ma soeur, Dada yangu. Le message, ujumbe, ce n'est pas l'église catholique. Aina kanisa kikatholiki. Ce message, ujumbe, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu ye mwenye. Il nous a donné. Dieu alitupatia hiyo. Il dit anasema, à son prophète kwa nabii wake, que je t'envoie mina kutuma, avec un message. Na ujumbe moi. Et ce message na ujumbe, préparera ma seconde venue. Itatayarisha kuja kwangu kwa pili. Ce n'est pas un homme. Aina muntu. C'est Dieu. Ni Mungu. Et cette église, na ikanisa, comme toi tu es ici, vile wa uko hapa, croyez que tu es dans le programme de Dieu. Usema kundani ya matengenezo ya Mungu. Et si tu es dans le programme de Dieu, kama ukatika matengenezo ya Mungu, respectons ce que dit la parole. Heshimia kile neno yuko nasema. Faisons ce que dit la parole. Fanye kile neno inasema. Ne soyez pas distrait. Shue bashi bakulengama. Alléluia. Amen. N'aimez pas seulement. Apana tu kupenda. On t'appelle. Bakuite. Frère. Nduku. Sœur. Dada. Frère. Nduku. Sœur. Dada. Ça n'a rien à voir. Ile anatana mambo. Alléluia. Amen. Nous voulons avoir des traces. Tunatoka tuone manyayo. Un chrétien Christ doit avoir des traces. Kwa na manyayo. Que je suis chrétien. Ya kusema ni et Christ. Voici ce que j'ai laissé. Tazama kile minacha. C'est ça la vie qui était en Jésus. Jo maisha ilikuwa ndani ya Yesu. Pourquoi? Juani. Parce que Jésus était le reflet de Dieu. Alikuwa kionyesho wa Mungu. Alléluia. Amen. Et il laissait les empreintes na de la personne du Dieu vivant. Ya mtu wa Mungu Mungu mwenyekwa mzima. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous devons être. Jo kile tunapasha kuwa. Chrétien. Mukristu. Chrétien. Mukristu. Quand on te regarde, on ne voit pas la chrétienté. Abaoni ki Christian ndani yako. Mais moi je crois au message. Mimi na mimi mujumbe. Quel message? Ujumbe kani? Frère, banduku. Nous allons y arriver. Tutafiki yako. Vous savez? Unajua? Ce message. Hii ujumbe. C'est un message apostolique. Ni ujumbe ya mitume. Et quand le message est devenu apostolique? Na wakati ujumbe ulikuwa wa mitume. C'est-à-dire? Ni kusema? Dans l'enseignement. Mu mafundisho. Dans la vie. Mu maisha. Et dans la pratique. Na mukutumikia. C'est ça le message apostolique. Jo ujumbe ya mitume. Si on vous enseigne la vérité, nous devons aussi pratiquer la vérité. Nous devons aussi marcher avec la vérité. Parce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même, c'était Pierre Angulaire. C'est celui qui a bâti cette église. Nous allons y arriver. Tout à fait. Hébreux chapitre 1. Wa Ibrania sura ya kwanza. Verset 1. Mstari kwanza. Après avoir autrefois. Kisha zamani. À plusieurs manières. Namna ya kuachana chana. À plusieurs reprises. Na mama wakati ya mbili. Et de plusieurs manières. Namna ya kuachana chana. Parler à nos pères. Kusemea kwa baba yetu. Par des prophètes. Kupitia manabii. Dieu. Mungu. Dans ces derniers temps. Mwima siku ya mwisho. Nous a parlé par le fils. Alisemea kupitia mwana. Vous croyez que c'est le fils qui vous parle? Eti mnaamini sema ni mwana aliyenena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas barlotés. Bien-aimé. Si c'est Jésus. Kama ou Yesu. Lui-même le fils qui nous parle. Ye mwenye mwana unasemezea. Dans cet temps de la fin. Mwima wakati ya mwisho. Ne soyez pas distrait. Mushuwe bakulengama. Ne soyez pas barloté. Mushuwe batu bakutenka tenka. Frère. Banduku. Pourquoi trop de barloté? Jua nini kutenka tenka sana. Jusqu'à quand? Kufikia na wakati gani? Tu auras la position. Utapata mshimamo. Eh, pourtant Jésus revient bientôt. Yapo Yesu anarudia pa sasa. Je ne sais pas si vous vous regardez le monde comme moi. Sijue kama unaona dunia sawa mie. Quand moi je regarde tout ce qui se passe, vous devez dire que Jésus revient. Jésus vient. Parce qu'il n'y a pas de spécial. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il est aussi créé le monde. Écoutez. Mushiki. Et qui étant le reflet de sa gloire. Na mwenye kuwa kionyesho utukufu yake. Alléluia. Amen. Jésus. Yesu. Étant le reflet de sa gloire. Ndio mwenye kuwa kionyesho utukufu yake. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à Jésus? Eti munaamini ndani ya Yesu? Vous croyez à Jésus? Munaamini ndani ya Yesu. Jésus. Yesu est-elle le reflet? Alikuwa ndio kionyesho de la gloire de Dieu. Ya utukufu ya Mungu. Bien-aimé. Bapeni. Jésus a dit. Yesu alisema. Moi, Mie, tout ce qui viendra à moi bole bote watakuya kwangu, ne perdra jamais. Abata potea kamwe, je serai avec lui. Alléluia. Et si nous nous sommes venus à lui, na sasa kama shetru kwa kwa nous ne pouvons pas perdre. Hatuwezi kupotea tena. Dieu sera avec nous. Mungu atakuwa pamoja nasi. Or si Dieu sera avec nous, jambo, wakati Mungu atakuwa nasi, tout ce que nous devons faire, lebe, tunapasha kufanya, c'est la vie de la vérité. Ni maisha ya ukweli. C'est la vie de la vérité. Maisha ya kutembelea mkwe. On ne peut pas filtrer le monde dans nous. Tuwezi kuingisha dunia ndani yetu. Il était le reflet de sa gloire. Alikuwa kionyesha utukufu yake. Et les empreintes de sa personne. Na nyayo ya bumuntu wake. En soutenant toutes choses. Mukushimamishika bitu vyote. Par sa parole puissante. Pitia neno yake ya uwezo. Alléluia. Amen. Jésus. Yesu. Était l'homme. Alikuwa mtu. Qui laissa les empreintes. Alikuwa naacha manyayo. Alléluia. Amen. Soutenant toutes choses. Mwenye kubambisha bitu vyote. Par la parole puissante. Kupitia neno yake ya uwezo. Les empreintes de sa personne. Manyao ya bumuntu wake. Soutenant toutes choses. Mwenye kushimamisha bitu vyote. Ce n'est pas une chose. Hapana kitu kimoja. Mais toutes choses. Lakini bitu vyote. Jésus. Yes. Soutenant cela. Mwenye kushimamisha bitu vyote. Par la parole puissante. Kupitia neno yake ya uwezo. Parce qu'il était les empreintes de sa personne. Sababu alikuwa manyao ya bumuntu wa Mungu. Et ce que Jésus était. Na kile Yesu alikuwa. C'est ce que nous sommes. Na njoo kile chetu iko. Alléluia. Amen. Nous devons laisser les empreintes. Tunapasha kuacha manyao. Alléluia. Amen. Nous devons laisser les empreintes. Tunapasha kuacha manyao. De la puissance de la parole. Ya uwezo ya neno. Jusqu'à quand, frère? Ufika na wakati kani ndugu? Vous croyez Pierre avait prêché combien de temps? Munaamini asema Petro alibirika mashuku. Pour que les enfants de Dieu puissent expérimenter Dieu. Batoto ya Mungu pate kuonja Mungu. C'était pendant combien de temps? Ilikuwa ni wakati ngapi? Alléluia. Amen. Une prédication de 15 minutes. Mahubiri ya dakika 15. Et les gens étaient nés de nouveau. Na batu wazali kwa mara ya pili. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Juu ya nini ile? Parce qu'ils étaient réellement convertis. Sababu walikuwa kabisa kabisa wenye kugeuka. Disposé. Yo yabo walikuwa tayari. Pour recevoir cette parole. Je kupokea ile neno. Et si nous. Na sasa kama shii. Nos cœurs disposés. Yo yetu kutayari. Pourquoi encore? Juu ya nini tena? Alléluia. Amen. De haut et le bas. Ma bibana bizuri. De barloter, de barloter. Mambo kutenga tenga tenga. Il y a pas de position. Hakuna mshimamo tu ya kueneana. Jésus revient bientôt. Yesu unarudia pa sasa. On peut pas te pousser à vivre la parole. Atuweza na kusukuma uishi neno. Mais c'est Dieu lui-même. Lakini Mungu yeye mwenyewe. Qui doit te faire vivre la parole. Dieu anapasha kufanyisha uishi neno. Mais dispose ton cœur. Sasa wewe tayarisha tu moyo wako. Soyez véridique. Uwe tu mtu wa kunyoroka kwa kweli. Uwe tu mtu wa kunyoroka. Dans tout ce que tu fais. Mubile bioto kuna fanya. Si l'œuvre du Seigneur. Yu mkazi ya Bwana. Soyez sincère. Tuwe na moyo wa unyofu. Soyez sincère. Tuwe na moyo wa kunyoroka. Tu ne viens pas ici pour laisser quelqu'un. Akuya hapa njoo kuacha mtu. Je ne sais pas. Nishijue. Si tu viens par exemple laisser quelqu'un. Kama unakuja juu ku. Ou bien tu es venu pour parce que votre papa, votre maman est ici. Au rukuya njoo baba yako na mama yako beko hapo. Si tu as cette expérience. Kama una ile onjo. C'est mauvais. Ni mbaya. Tu dois repentir. Unapasha kutubu. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui donne la vie. Ni Yesu anataka uzima. Et c'est le temps. Na ni wakati. Où nous devons laisser les empreintes. Ile tunapasha kuacha manyayo. Attaque des chrétiens. Sawa ba Kristo. Les soins des empreintes. Waacha manyayo. Ser songolo ser fakala. Dada songolo dada fotala. Tu dois laisser les empreintes. Unapasha kuacha manyayo. Ah, c'est une sœur. Ni dada. Il prie au message. Alikuwa aliamini kwa Mungu. Il y a des exemplaires. Na kama kuma mifano. Nous devons aller c'est la sœur là. Unapasha kwenda kwa ile dada. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? La vie d'un croyant. Maisha mkuu wa mwamini. C'est pas la vie. Ni ana maisha. Ne puisse critiquer. Il est badunia wataweza kusemea hapo namna mubaya. Alléluia. Amen. On doit parler de toi. Unapasha bapasha kusema yulu yako namna yiko ya mzuri. Parce que toi tu as des empreintes. Sababu wewe kuna manyayo ushakuacha. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie. Laissons les empreintes bien-aimés. Tuache manyayo wapendo. Il dit ceci. Anasema hivi. Et soutenant toutes choses par la parole puissante. Et en fait la purification du péché. Et s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans le lieu très saint. Devenu d'autant supérieur. Aux anges qui a été hérité d'un nom. Plus excellente que les heures. Prenons deux. C'est pourquoi. Alléluia. Il dit. Anasema. C'est pourquoi. Nous Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on vous a prêché à cause de Jésus, à cause de la vie de Jésus, s'approchez-vous à cela. Ne soyez pas loin de cela. Alléluia. Amen. Soyez proche de cela. Mwe karibu na beba limubiri. Faites attention. Mupate kusopoka. De ne pas être loin. Mushende na biombari. De ce qu'on vous a prêché. Le biote brifundisha. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami. Vous êtes avec moi? Muko pamoja nami. Je répète, c'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Est-ce que vous écoutez? Car si la parole annoncée par des anges en son effet, et si toute la transgression et toute la désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alléluia. Amen. Frère, Bandu, qui échappera où? Wapi? Toi qui as l'esprit de négligence. Négligent. Kusula. La grâce que Jésus a fait pour toi. Yesu, et il ne t'a pas laissé. Il vous a envoyé le message pour vous attirer du monde. Afin que vous entrez dans le corps. Vous soyez les femmes. Faites, les hommes faits. À cause de Jésus-Christ. Yesu et vous le négligez. Na mumu kuna où échapperons-vous? Wapi sas? Un négligent. Une sœur négligent. Dada wakusula. Tout ce qu'il écoute, c'est comme il n'écoute pas. Tout ce qu'on prêche ici, c'est comme on ne le prêche pas. Négligent que tu y es. Vile wiko, le ciel et la terre passeront. Bingu na dunia bita pita, mais la parole du Seigneur na neno ya Bwana ne passera jamais. Yo itapita kamwe. Toi qui es négligent, un frère, Duku, tu verras. Ou il ne faut pas être négligent. Un négligent où? Na, dans les choses de Dieu, vous négligez cela. Ça, c'est un mauvais esprit. Ile ni roho ya mubaya mchafu. Frère, un enfant de Dieu n'est pas négligent. Toto wa Mungu na wakusula sula. Un enfant de Dieu, Toto wa Mungu, c'est un homme civilisé. Ni mutu wa kunyoloka. Quand il écoute la chose, anashikia bitu, il retient et il le met en pratique. Na anabitumiki. Vous voulez qu'on vienne avec des chicotes? Unataka bakui hapa na mamfimbo? Pour qu'on puisse te parler. Je vais pas te kusemeze. À ton âge. Mule kipimo yako. Eh ma soeur. Eh dada yangu. Non. Apana. On ne fait pas ça. Atufanyake vile. Mais croyez ceci. Wewe waamini. Si tu négliges. Kama unasula. C'est grand sali. Hii ukofu ya munene. Tu te négliges toi-même. Huko unajisula ni wewe mwenyewe. Tu négliges pas Dieu. Au musule Mungu. Mais tu te négliges toi-même. Na unajisula wewe mwenyewe. Venez comme un chrétien. Soyons sincères de tout ce que nous faisons. Soyons sincères. Ne soyez pas négligents. Eh bien aimé. Négligent. Nous voulons faire des choses nous-mêmes. Un chrétien ne marche pas comme ça. Un chrétien, il est qu'un corps. Il est qu'un corps. Mais la tête d'un chrétien, c'est Dieu lui-même. Et qui est Dieu? C'est la parole. Il est conduit par la parole. À tout moment, dans sa vie, dans sa maison, dans son travail, c'est la parole qui le conduit. Tu ne peux pas être négligent. Dans ton âge, tu ne connais pas payer la dîme. Mais on te prêche déjà ici. On t'a déjà prêché ici. Dans ton âge, tu ne connais pas amener l'offrande. Et on t'a déjà prêché ici. En ton âge, tu ne connais même pas prier. Prier. Kuomba. La prière. Maombi. Tu ne connais même pas. Aujua, atakuijua. Dans ton âge. Même dans ta maison. Ata il n'y a pas de prière. Amkulaki maisha maombi. Ça, c'est négligence. Il est ni kusula kabisa. Un chrétien Christu, dans sa maison qui ne connaît même pas prier depuis le matin jusqu'au soir, vous priez qu'une seule fois. Ah, ça c'est quelle sorte de chrétien? Ni, ton cœur te pousse comment? Tu sais comment dans ton cœur? Il faut expérimenter Dieu. Alléluia. Amen. Ce monde est pourri. Dunia quand tu sors, tu vois toujours de la salité. Dans votre retour, tu es obligé de demander pardon. Parce qu'il n'y a rien de spécial dans le monde. Je vous dis la vérité. Comment vous négligez même la prière? Même dans ta propre maison. Hein, mon frère? Non, je suis fatigué, frère. Oh, mi kumunye kuchoka nduku. Ah, chérie, je suis fatigué. Oh, mki wangu ni kumunye kuchoka. Je viens du travail. Natokia ku kazi. Je fais ceci. Nifanye nifanye nifanye hivi. C'est toi prier, prier pour les enfants. Oui, ombea tu, ombea batu. Oh, frère, ça c'est la négligence. Ile hapana nduku ni kusula. Si tu as le temps. Kama kuna wakati. Pour tes travaux. Je ku kazi. Tu dois aussi avoir le temps. Unapasha kwa tena wakati. Pour le Seigneur. Tu ya Bwana. Ne soyez pas esclaves du monde. Et des choses du monde. Soyez esclaves de la parole. Jésus revient. Yes, on a si tu es distrait, c'est ton problème. Ni mambo yako. Trop négligent. Et c'est ça ce qui se passe. Le Saint-Esprit. Rome Takatifu. Le Saint-Esprit. Rome Takatifu. Où est le Saint-Esprit? Rome Takatifu kwapi. Le Saint-Esprit est où? Rome Takatifu kwapi. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, et ça nous montre que ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Ce sont les vertus du Saint-Esprit. Non, frère. Si vous voulez trouver le Saint-Esprit, vous allez trouver le Saint-Esprit dans le cœur des enfants de Dieu. Et c'est ça ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Démontrez la puissance de la parole que vous écoutez. Vivons cela. Marchons à l'obéissance. Mais ce que vous écoutez, négligence. Kusula. Où échapperons-nous? Comment échapperons-nous? En négligeant Mkusula. Un si grand sali qui nous a annoncé d'abord par le Seigneur kwa Bwana, et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce message ujumbe est bon pour nous. Kwetu. Je vous dis la vérité. Ukweli. Si vous croyez le message, ujumbe, croyez que vous êtes dans le bon. Amine sima ukatika mbindu, wali mzuri. Croyez que vous êtes dans le bon. Amine kusema kumunjia mzuri. Je dis croyez. Mwamini ya kusema. Si vous croyez au message, kujumbe, vous êtes dans le bon. Mzuri. Croire, mini, ce n'est pas être dans cet bâtiment. Oh, dans iki. Le tabernacle oh, de Kambov. Non. Apana. Croire, mini, c'est mettre les choses qu'on te prêche en pratique. Ni kutumikia bitu vile vile kubiri. Si vous ne voulez pas mettre cela en pratique, kama upende kubitumikia, c'est ton problème. Ni mambo yako. Alléluia. Amen. Nous, Chei, nous n'avons pas confiance au monde. Matumaini ndani ya dunia. Nous, Chei, nous n'avons pas confiance au monde. Dunia. Si nous travaillons, kama tukunatumika, si tout ce que nous faisons, kama vile vyote tukunafanya, c'est à cause du Seigneur. Ni kwa sababu tu ya Bwana. Alléluia. Amen. Ta vie tout entière, yote mzimu, tout ce que tu fais, yote kunafanya, doit être pour l'honneur du Seigneur. Inapasha kuyanjua heshima ya Bwana. Écoutez ce que dit Paul. Musikie kile Paul yuko nasema. À Philippe. Timothée, pardon. Wa Timothée. Nous ne travaillons pas pour rien. Ah, tu tumike mwabule. Nous travaillons pour le Seigneur. Tu natumika juu ya Bwana. Si toi tu es distrait, kama uko kulingama, c'est ton problème. Ni mambo yako. Mais Jésus revient bientôt. Lakini Yesu yeye anarudi hapa sasa. 1 Timothée 4. Timothée wa kwanza sura ya 4. Écoutez ce qu'il dit, verset 9. Il dit, à 10. Il dit, prenez même 10. Il dit ceci. Nous travaillons. Tout qu'on a tumika, en effet. Okua, nous combattons. Na tout na kombana, parce que sababu, nous mettons notre espérance tout weka matumaini yetu, dans le Dieu vivant. Dani ya Mungu mwenye kwa mzimu. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Dites à la première, frère. Yes. C'est la parole qu'on lit. Ni neno ya Mungu tuko nasoma. Nous travaillons. Tuko na tumika. En effet, kwa kuwa, nous combattons. Tuko na kombana. Parce que sababu, nous mettons notre espérance naweka matumaini yetu, dans le Dieu vivant. Ndani ya Mungu mzima. Sans Dieu, bila Mungu, nous n'allons pas travailler. Hatutatumika. Travaillons pour le Seigneur. Tumike juu ya Bwana. Il dit, anasema, dans le Dieu vivant, ndani ya Mungu mzima, qui est le Seigneur de tous tes hommes, mwenye kuya mokozi wa batu bote, qui est le Seigneur de toutes les hommes, mwenye kuya mokozi wa batu bote, principalement kabisa, kabisa, des croyants. Wa baminifu. Alléluia. Amen. Comme il est le Dieu des croyants, ni Mungu wa baminifu, nous travaillons. Jetu unatumika. Alléluia. Amen. Comme je suis croyant, vile ni kumwaminifu, je travaille pour le Seigneur. Ni kunatumika juu ya Bwana. Je dois vivre pour le Seigneur. Ninapasha kuishi juu ya Bwana. Je dois marcher pour le Seigneur. Ninapasha kutumika juu ya Bwana. Je dois faire le bien pour le Seigneur. Ninapasha kufanya vizuri juu ya Bwana. Alléluia. Amen. Je dois me s'occuper dans les choses de Dieu. Ninapasha kuangalia vitu vya Mungu. Pour le Seigneur. Juu ya Bwana. Nous travaillons pour le Seigneur. Tuko natumika juu ya Bwana. Il est notre espérance. Yenjo mwiko matumaini yetu. Verset 11. Mustara 11. Déclarer ces choses. Sema hivi vitu. En enseignant-les. Mukubifundisha. Écoutez. Mushiki. Que personne. Ashikwe muntu. Ne méprise sa jeunesse. Apate kubeula bujana bwake. Est-ce que vous écoutez? Eti munaelewa? Mais. Lakini. Sois modèle. Apate kwa mfano. Pour les fidèles. Tu yabaminifu. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous devons être. Okay, tunapasha kuwa. Nous devons être des modèles. Tunapasha kuwa mamifano. Pour les fidèles. Tu yabaminifu. Si nous marchons, nous sommes un modèle. D'ici à Kambov, tout le monde sait que nous sommes des modèles. C'est comme ça que nous devons être. Soyons modèles pour les fidèles. Alléluia. Amen. S'il y a une église qu'on est en train de citer, il y a des modèles. Des modèles. C'est là-bas au tabernacle. Et c'est ici. Il est dit que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit modèle pour les fidèles. La Bible dit, soit modèle pour les fidèles, en parole, en conduite et en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas, mais lakini, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, sa conduite mwenendo yake, doit être la conduite des enfants de Dieu. Inapasha kuwa mwenendo ya watoto ya Mungu. Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, il a sa manière de vivre. Kuna namna yake ya kuishi. Eh, ma soeur, dada yangu, trop de mauvaises réponses dans ton bouche. Majibu ya mubaya mukinywa yako. Avec une caractère na tabia moya, qui ne diffie même pas. Ila ijenga ta mtu mmoja. Bien aimé, mapendo, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, doit avoir un caractère de l'édification. Ya kwenda kujenga nayo bado. Alléluia. Amen. L'édification, kujenga, c'est quelque chose qui construit. Ni kitu mwa kikuna ya jenga. Être édifié. Kujengwa. Et si tu as un bon caractère, kama kuna tabia ya caractère qui édifie, ça va aider beaucoup de gens. Et tu seras un exemplaire. Même toi, mon frère, il faut avoir de bons caractères, de bons comportements qui est ici. Et tu es là. Ta femme ne connaît même pas que tu es croyant. Parce que tu as des réponses à cela. Ton mari ne connaît même pas que tu es croyant. Parce que c'est toi qui conduis la maison. Est-ce que ton mari connaît que tu es croyant? Ça, ce n'est pas des modèles. Nous devons être des modèles pour les fidèles. Un enfant de Dieu, quand un chrétien entre dans ta maison, il rentre avec les édifications. Il doit rentrer. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Tu dois rentrer. unapasha kurudia. Tu étais venu chez moi. Ulikuwa kwangu. Tu dois rentrer. Unapasha kurudia. Avec quelque chose. Na kitu kimoya. Quand tu arrives là-bas. Wakati unafika. Tu ajoutes dans ta foi. Kinaongeza ku imani yako. J'ai manqué ceci. Nilikuwa nakosa hiki. Mais j'ai réussi. Lakini mimi napokea hicho. Dans la vie de ma sœur. Mu maisha ya dada yangu. J'ai réussi. Mimi nilipokea. Dans la vie de mon frère. Mu maisha ndugu yangu. Et je rentre chez moi. Na mimi narudia kwangu. C'est ça ce que nous devons être. Dieu nous regarde. Mungu anatuangalia. Chaque jour. Kila siku. Dans nos foyers. Uma nyumba yetu. Dans nos maisons. Uma nyumba yetu, dans nos travail. Yetu, maikazi yetu. Il voit. Naona. Est-ce que notre vie. Eti maisha yetu. Est-il digne. Et inastahili. Est-ce qu'on nous prêche ici. Mu, vile bana tuviraka. Ou bien nous sommes des négligents. Ao tuku bakusula. Sois modèle. Uwe mfano. Pour les fidèles. Vya waaminifu. Trop de mensonges. Mabongo ya mingi dans ta bouche. Kinywa yako. Tu peux parler. Unaweza kusema. Toi-même tu peux parler une fois. Wewe mwenyewe unaweza kusema mara moja. Plusieurs songes dans ta bouche. Mabitu ya mingi mkinywa yako. Ce n'est pas ça la vie d'un croyant. Aina njoo maisha mwaminifu. Qu'est-ce que tu édifies? Nini ile unajenga na bibi? Tu veux seulement venir prêcher ici? Unapenda kwetu uhubiri hapa? No. Hapana. Ce n'est pas seulement prêcher. Aina tu kuhubiri. C'est pour édifier. Ni njoo kujenga. Alléluia. Amen. L'édification, kujenga, ça doit être la vie de la parole. Inapasha kuwa maisha ya unenu nous ya Mungu. Devons vivre cela. Unapasha kuishi ile. Amen, hein? Amen. Vous êtes avec moi? Eti Mungu pamoja nami. Nettoyons tout ce que nous sommes. Tusafishe kile kiote tuiko. Cherchons Dieu. Tutafute Mungu. Il revient bientôt. Ule kunarudia hapa sasa. Aujourd'hui ce n'est pas le temps de vous dorloter. Leo na tena wakati kumibembeleza. La manière que nous voyons le monde. Na mule tunaona dunia. Nous ne pouvons pas négocier avec le monde. Atuwezi tena bakupatana na dunia. Nous on n'a jamais négocié avec le monde. Sheya tutapatana kama na dunia. Dieu nous a donné le ministère. Mungu atupatia huduma. C'est pour briser le monde. Njua kuvunja dunia. Pour détruire le monde. Njua kuharibu. Parce que Dieu, Babu, il a besoin de ses élus. Eko lazima na bateule yake. On ne peut pas te dorloter. Atuwezi na kubembelesha. Dorloter en quoi? Tutakubembelesha nini? Alléluia. Amen. Sois modèle. Uwe mfano. Sois un modèle. Uwe mfano mmoja. Pour les fidèles. Dieu baminifu. En parole. Umisemo. Est-ce que vous m'écoutez? Eti mnanishikia? Sois modèle en parole. Uwe mfano muneno. Eh bien aimé. Eh bapende. Mais toi tu aimes toujours les médisances. Lakini wewe unapenda pa kuchana. La calomnie. Kusongeana. Mais la Bible dit sois modèle en parole. Lakini Biblia inasema uwe mfano muneno. Mais trop de calomnie. Wewe uko na singizia basi. Ce n'est pas ça la vie d'un croyant. Haina njoo maisha mwaminifu ile. Nous allons y arriver. Tutafikia. En conduite, mumwenendo yako, et en charité, na mumapendo, en foi, mumimani, et en pureté, na musafi. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, mapendo ndugu na dada. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Il nous aime. Anatupenda. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de faire la mélange. Hatuna lazima kuchanganisha entre nous et le monde. Katikati yetu shena dunia. Oui. Dio. Nous devons détruire la vie du monde. Unapasha kuharibu maisha ya kidunia. Dans nos églises. Ndani ya makanisa yetu. Dans nos vies. Ndani ya maisha yetu. Dans tout ce que nous faisons. Ndani ya biote tunafanya. Détruisons cela. Tuharibu biote. Et écoutez aussi un prophète, le conseil du prophète. Na tushike ko shauri ya nabii. Père les revenus, paragraphe 24. Baba wakati shakufika nukta yake ya 24. Fabanam dit ceci. Dubrame anasema hivi. Et vous, lorsque vous acceptez le monde, na wakati unachika dunia, qu'il cherche à se lier d'amitié avec vous, unapenda ungane mburafiki na weye, souvenez-vous tout simplement, mkumbuke tu mbote ya kwamba, il y a l'aiguille sur robe. Et kuko shi. Il y a l'aiguille sur robe. Kuko mkuki. L'aiguille sur robe. Est-ce que vous comprenez? Kuko mshindano chini ya robe. Ah. Ne cherchez pas le monde. Être en amitié avec vous. Alléluia. Amen. Quand tu cherches le monde. Être en amitié avec vous. Croyez que c'est de la ruine. C'est de la destruction. C'est de la perdition. Pour cela, un chrétien, tout ce qu'il fait, il est dans la parole. Tout c'est dans la parole. Lorsque vous acceptez ces petites fumées, des jeunes hommes, petites buveurs, au chevet à ce lycée, pour garder sa bouche ouverte, laissez-moi vous dire une chose maintenant. Il y a quelque chose qui se sépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Et il dit, je vais te pousser. Ma chère. Ensuite, je vais adhérer dans ton église. Il est en train de vous mentir. Alléluia. Amen. C'est comme vous les jeunes filles. Vous voyez quelqu'un dehors. Un païen. Qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et il veut te dire, il veut te marier. Quel est le mariage? Il veut te mentir. Alléluia. Amen. Et c'est le monde qui va entrer dans ta vie. Ce ne sera pas Dieu. S'attacher à ce que tu as entendu. Ne soyez pas négligents. Il dit ceci. Anasema hivi. Laissez-moi vous dire maintenant, il y a quelque chose qui va se préparer. Et il dit, je vais te pousser. Je vais adhérer dans ton église. En ce moment-là, il ne doit pas vous prendre. Et vous les jeunes, hommes, alléluia. Alléluia. Il reste en compagnie de petite Jézabel maquillée. C'est la même chose. Vous ne devrez pas faire cela. Honte à vous. Honte aussi aux pasteurs. Qui ne disent pas cela dans leurs églises. Nous sommes des gens appelés hors du monde. Des gens préparés. Un peuple différent. Sanctifié pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes différents du monde. Nous sommes un peuple sanctifié pour le Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour adorer le monde. Amen. Hein? Amen. Nous sommes différents. Nous connaissons les bornes. Elles sont écrites ici sur la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela un chrétien. Christ, tout ce qu'il fait dans sa vie, il connaît que c'est la parole. Ce que je fais, c'est la parole. Ce que je fais, c'est la parole. Ce que je fais, c'est la parole. Et si je ne fais pas, c'est la parole. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous connaissons les bornes. Nous connaissons les bornes. Alléluia. Amen. Même si nous marchons dans le monde, mais nous connaissons des bornes. Des bornes. Ça c'est pour nous. Et ici ce n'est pas pour nous. Ici c'est pour nous. Ici ce n'est pas pour nous. Ici pour nous. Ici ce n'est pas pour nous. C'est ça ce que nous vivons. Alléluia. Amen. Soyez vigilants. Connaissons les bornes. Connaissons les bornes, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Yes, on a dit pas ça. Nous connaissons les bornes. Tu n'as jamais mis pas ça. Elles sont écrites ici. De la manière claire. Nous sommes tout simplement barlotés. Quelqu'un vient et dit ceci et cela. Ceci et cela. Nous sommes tout simplement entraînés. Nous suivons carrément cela. Certainement. La Bible dit que c'est ce que le diable fera dans les derniers jours. C'est exactement ce qu'il est en train de le faire. Alléluia. Amen. Il vous amène. Et qu'on a coupé les cas. La vie de ne pas comprendre la parole. Tout cela, c'est pour te détruire. Alléluia. Amen. C'est pour cela, l'enfant de Dieu doit manifester les œuvres de sa foi. Amen. Amen. un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, dans 10 minutes qui restent, dakika 10, qui doit manifester, unapasha konesha, les œuvres de ta foi, matendo ya imani yako. J'ai la foi, niko na imani, mais la foi sans les œuvres, sasa imani yashipo matendo, est morte, iko yenye kufua. Si tu as la foi, kama kuna imani, nous voulons voir les œuvres, unapenda tuone matendo. Alléluia, amen. On ne se parle pas, awa tusemake tu, nous on n'a pas besoin de parler, shia tuna lazima kusema, mais on a besoin, shia tuna lazima, de voir les actes de la ya foi, ya kuona matendo ya imani. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes tous dans le monde. Et comme nous sommes dans le monde, nous voulons voir les œuvres de la foi. Parce que la foi, on ne le voit pas. On ne voit pas la foi. Je ne sais pas si toi tu connais la foi. Qui connaît la foi? Levez la main. Tu connais la foi? Il est comment? Il est comment? Un frère. Le frère connaît la foi. Mais il est comment? Il est quelle couleur? Imani kuje una rangi kani? Alléluia. Amen. La foi, c'est ce que Dieu voit. Mungu mais nous, nous connaissons les œuvres. Tunaonaka ni matendo. Alléluia. Amen. Si la foi, kama imani, n'y a pas des œuvres, aina na matendo, ta foi est morte. Imani yako ni nyekufa. Lisons Jacques et terminons. Tumusome Yakobo na tumalizie pale. Oh la foi, la foi, la foi. Oh imani, imani. La foi. Imani. J'ai la foi, frère. Niko na imani ndugu. Mais la foi sans les œuvres. Ça imani yashipo matendo. Nous voulons voir les œuvres. Chetu napenda tuone matendo. Et foi bana me dit. Na ndugu nami kuna sema. Paulo voyait. Paulo, Paulo alikuwa anaona. Paulo pouvait voir la foi. Kapola alikuwa anaona. C'est Dieu voyait dans les croyants. Kile Mungu alikuwa anaona ndani ya baadhi. Lakini Jacques lui posait des questions. Yakobo alikuwa anauliza. La foi. Imani. Doit être dans les œuvres. Inapasha kuwa ndani ya matendo. Parce que sababu ce que Dieu voit. Kile Mungu alikuwa anaona. C'est la foi. Bien sûr. Ni imani bia kwe. C'est quelque chose d'invisible. Mais nous nous voyons les actes. Ni matendo. Les actes de la foi. Matendo ya imani. Jacques chapitre 2 verset 14. Yakobo sura 2 mstari 14. Mes frères, banduku yangu, que serti? Itasaidia nini? À quelqu'un kwa mutu de dire qu'il a la foi. Apate kusema sema iko na imani. Si il n'a pas les œuvres. Kama ashina na matendo? La foi peut-il le sauver? Imani inawezi kumwokoa. Alléluia. Amen. Nous voulons voir la foi. Tunapenda tuone imani. Qui a des œuvres? Yawa iko matendo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami? Amen, les faibles. Imani, vous êtes avec moi. Mungu pamoja nami. La foi sans les œuvres. Imani bila matendo. Est morte. Iko ya kufua. Et le message. Na ujumbe. C'est la vie de la foi et les œuvres. Ni maisha ya imani na matendo. C'est la vie de Dieu lui-même. Juu ni maisha ya Mungu yeye mwenyewe. Jésus. Yes. Lorsqu'il était sur la terre. Wakati alikuwa pale dunia. Il avait la foi. Alikuwa na imani. Et avec les œuvres. Na matendo yake mwenyewe. Il manifestait les œuvres. Alikuwa anaonesha matendo. Il dit, si quelques frères ou une sœur sont nés et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-tu? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Amen. Vous voyez que la foi que nous connaissons, frère, la foi avec les œuvres. Si quelqu'un dit il a la foi, c'est-à-dire il accepte la parole et il le met en pratique. Alléluia. Amen. Moi je crois au Seigneur. J'ai la foi. Pourquoi? Voyez ce que j'étais et je ne suis pas ce que j'étais. Je suis ce que je suis. Alléluia. Amen. Et quand on te regarde, on voit que réellement il y a un changement. C'est ça les œuvres. Qui approuve que tu as la foi? Ça, les œuvres, ta foi est morte. Imani yako ni ya kufa. Amen, eh? Amen. Il dit encore. Anasema tena. Mais Lakini, quelqu'un dira, toi tu as la foi. Wo kuna imani. Et moi j'ai les œuvres. Na mimi kuna matendo. Montre-moi ta foi. Unyoneshe imani yako. Sans les œuvres. Bila matendo. Et moi, na mimi je te montrerai la foi par mes œuvres. Imani kupitia matendo yangu. Alléluia. Amen. Tu crois-tu qu'il y a un seul Dieu? Unaamini kusema kuko Mungu moja? Tu fais bien. Unafanya mzuri. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Frère Jacques, qu'il parle maintenant. Qui peut croire qu'il y a qu'un seul Dieu? Il dit tu fais bien. Ce n'est pas mauvais. Croire qu'il y a un seul Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Alléluia. Amen. Croyez que ta foi. Que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Toi qui crois cela. Les démons aussi croient ça. Car les démons croient et tremblent. On n'a pas besoin de cela. On a besoin des œuvres. Alléluia. Amen. Veut-il savoir? Et tu n'apprends pas où oh, mais vain. Oh, monte à bouler. Que la foi sans les œuvres. Ma imani bila matin. Est inutile. Ni à bouler bouler. Alléluia. Amen. Si ta foi n'a pas des œuvres. Kama imani yako na matendo. C'est inutile. Ni imani yashpo yashpo bei. C'est pour cela mon frère ma sœur. Yoko mana nduku yangu na dada yangu. Faisons les œuvres de la foi. Tufanye matendo ya imani. Ne soyez pas négligents. Mushuwe batu bakusula. Venez à l'église. Ujeni kukanisa. Avec la sincérité. Na ile uwaki yote. Avec tout ton cœur. Na moyo wako wote. Respectons Dieu. Mheshimie Mungu. Il revient bientôt. Eko narudia hapa sasa. Ne s'attachez pas. Hapana kuambatana tu. Aux choses du monde. Bitu vya dunia. Ça va rester bientôt là. Itabaki hapa kapo. Alléluia. Amen. S'attacher à la parole. Kuambatana kuneno. Et tu verras la gloire de Dieu. Na utaona utukufu ya Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Levons-nous. Tusimame. Jésus revient. Alléluia. Jésus.